Hey hey hey, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Wrestles Radio 26 du nom Sunday Night Wrestles et on va parler de WWE SummerSlam avec mes chroniqueurs que je vais présenter que maintenant c'est Verpa, salut Verpa. Salut Gus et salut à toute l'équipe. Sifo. Hey hey hey Gus. Là, ton intro elle m'a fait péter de rire là, j'en peux plus. Une fois que j'en réussis, salut Seb. Salut Gus, et super intro, hein, je te félicite encore. Et Herbaz est avec nous. Ouais, salut Gus, c'est le ouais, radio, t'as vu? Ouais, je t'ai vu ça là. Va. Ouais, je t'ai vu. Ça va ou bien? Bien ou bien? Bien, wesh. Bien. Wesh. Et tout mon frère. Ça va bien. Ouais, gros. T'as vu, on va parler SummerSlam là aujourd'hui, est-ce qu'il paraît? Ouais, carrément. Carrément, putain, attends, je vais. Il m'a foutu le seum, ce pay-per-view, bordel. Oh, t'es un peu sévère quand même. Hein. Ah, bah non. Quel ratio pit style. C'est bon pour cette intervention sur le chat. Allez, c'est parti. On va s'attaquer donc à la liste des sujets. Bien évidemment, on va revenir sur SummerSlam qui a eu lieu la semaine dernière. On va faire un petit débat sur Brock Lesnar. Est-ce qu'il est vraiment utile dans un ring à la WWE? Et pour finir ce podcast, on fera un petit bilan sur cette nouvelle version de NXT. Et voilà. Donc, je crois que je suis le seul à voir NXT, c'est ça? Non. Ah oui, il y avait RK, c'est vrai. Moi je regarde, mais j'ai vu que les 4 premiers épisodes. Oui, donc donc je suis inutile. Exactement. Allez, c'est parti, on va lancer un petit jingle et on se retrouvera pour SummerSlam. Don't give up, don't look down, cause your time is gonna come around. Sinon, on devait parler de SummerSlam, les gars, super. Bah, on chantait le thème. Allez, c'est parti. On va commencer par parler du pré-show qui a eu lieu sur YouTube entre Antonio Cesaro et Santino Marella. Ça a eu lieu pour le US Championship. Alors, j'ai pas encore la durée du match devant les yeux. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'Antonio Cesaro a remporté le combat et devient donc, pour la première fois de sa carrière, United States Champion à la WWE. Pour l'ancienne gloire du circuit indépendant, c'est plutôt une très bonne nouvelle, messieurs. Verpa, pour commencer, je sais pas si t'as vu le pré-show. Non, j'ai pas vu, mais par contre, j'avais lu l'information Antonio Cesaro contre Santino Marella. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, de toute façon, Santino, hein. Depuis même un tout petit peu avant Money in the Bank, Santino. Sur la pente descendante, il est en train de monter depuis l'Elimination Chamber. Cool, ça redescend tranquillement parce qu'il dévaille des viandes de sa carrière. Antonio Cesaro, lui, est plutôt en train de légèrement monter. Bon, il a toujours accès dans les pattes, je crois. Il a toujours pas réussi à s'en débarrasser. Donc bon, tant qu'elle sera là, de toute façon, ça sera difficile de monter un peu plus haut. Mais déjà donner un titre intermédiaire à Cesaro, c'est déjà une bonne chose. Pour au moins pour pouvoir se fixer à SmackDown, parce qu'on peut dire que le SmackDown de 2012 est quand même pas un grand cru. Donc s'il pouvait faire quelque chose pour cet automne ou cet hiver, ça serait très bien. Je te confirme, Tifo qui n'a pas vu le pré-show, il me semble. Bien vu, c'est ça. Non, mais sinon, ouais, c'est cool que Santino ait perdu le titre, parce que, voilà, il servait un petit peu à rien. Après, le mec, il a été champion, il a eu aucune... S'il a eu une exposition à Raw, je me rappelle plus. Au début de son règne, il reprend le titre US quand il fait sa perf extraordinaire... à l'Elimination Chamber, il prend le titre à ce moment-là, et on peut, ouais. Ouais, enfin, il a pas fait un petit discours, quoi. Non. Non, enfin, pas eu de gros discours, pas eu vraiment de rivalité non plus, mais c'est un titre mérité quand même pour ce qu'il faisait pour la WWE, histoire. Alors, j'ai la Drew McIntyre. Oui, c'est mérité, mais après, c'est con qu'il ait pas oui, voilà, d'exposition, il est... parce qu'on sait que c'est un bon lutteur, quoi. Je confirme, mais il a peut-être gardé le titre un petit peu trop longtemps à mon goût après. Ah, alors, tu parlais de Santino? Oui. Ah non, moi je parlais d'Antonio Cesaro. Moi je te parlais de Santino. Ah non, moi je disais que Cesaro, voilà, il a eu le titre, mais après, limite tout le monde s'en fout. Rien que déjà, le non, faire gagner son... le titre en pré-show, voilà quoi. Il a eu son petit moment de gloire à SmackDown quand il tabasse encore une fois Santino. Bah, l'avantage ouais. C'est que pour mettre le dernier SmackDown en face, bon il va falloir mettre un face. Oui. Oui, donc, oui, Bédin, d'ailleurs, c'est nouveau, l'occasion de former des faces. Bon, est-ce qu'on va pas nous ressortir Kofi Kingston? Est-ce qu'on va nous ressortir Ted DiBiase? LOL! Pardon. C'est le moment! S'il veut revenir! Si, parce qu'il serait bientôt de retour, donc il commence à revenir en house show. Si on doit mettre un face, à mon avis, je penserais plutôt à Tyson Kidd ou à Justin Gabriel. Ça serait très bon. Ouais, qui patauge un peu dans le bas de la mid-card et tout, mais qui sont d'excellents performeurs. Et Justin Gabriel, qui a une gueule de babyface comme pas possible, hein, ça, on l'avait vu même depuis NXT. Mais enfin, les deux patauges. Et pour parler du match, parce que moi je l'ai vu, en lui-même, il est un peu mauvais. Hein, c'est pas un grand, grand match. Il est surtout très court, en fait. Ça va encore, hein, il a duré 5 minutes et 8 secondes. Ouais, il est court, mais bon, c'est un pré-show. Et après la fin, il est un peu con, c'est pour pas dire pire, parce que on voit en fait le Cobra distrait par Aksana et en fait après ça distrait Santino. Oui, et il fallait bien que le Cobra fasse perception au moment donné. Le Cobra a quand même très mauvais goût en étant attiré par Aksana. Et donc après, Antonio Cesaro son finisher et un changement. Et il a pas un peu galéré sur son finisher? Non. Non, je sais pas, j'avais l'impression. Ouais, mais il faut le changer, ce finisher. Il faut remettre le Rico Labon comme il l'avait avant, c'était parfait. Là, on se retrouve avec un finisher vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, il est tout dégueu, son finisher, mais il galère comme d'hab, quoi. Et après, Santino, quoi, le bilan de son règne, quoi. Pas vraiment de bilan, mais c'est pas un mauvais règne non plus. En fait, c'est pas un mauvais règne, mais le problème, c'est que, au fur et à mesure, le titre US a un peu disparu. C'est-à-dire que c'est Santino qui est resté, mais pas le titre US. On a juste laissé faire les choses et on s'est reposé sur la popularité de Santino et pas plus. On n'a pas essayé d'engranger avec des bons matchs ni rien, en changeant un peu Santino peut-être, en gardant cet aspect comédie, mais en le montrant un peu plus fort, quoi. Que juste le mec chanceux, quoi. Alors, j'ai les réactions de MP. Un bon pré-show d'une durée correcte. J'espère que César redonnera de la crédibilité à ce titre, qui a été oublié durant ces derniers mois avec le règne de Santino. Très content que César reprenne le titre, puisqu'il a travaillé très fort pour se rendre là. Est-ce que tout le monde a discuté? Est-ce que tout le monde a donné son avis? Non, Sébastien, je crois pas. Bah moi, je voulais juste faire remarquer que c'est le seul changement de titre. C'était pendant le pré-show, donc ça fait un petit peu désordre pour moi par rapport à un pay-per-view que les gens payent pour voir ce show. Et là, gratuitement, tu vois le seul changement de titre de la soirée. Donc pour moi, c'est un petit peu désordre dans cette soirée. Oh, ça va, enfin, c'est pas très choquant. Hein. Après, bon, il y a beaucoup plus de choses choquantes par la suite. C'est pas tellement le manque de changement de titre qui va être choquant, mais ça, on en parlera plus tard. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? Ah, on va passer à la suite. Écoute, oui. Oh, putain, ma catchphrase. Allez, c'est parti pour le premier combat de ce pay-per-view et non pas le pré-show, c'est parti. Le match a commencé donc par Chris Jericho et Dolph Ziggler, qui étaient donc accompagnés toujours par la belle Vicky Guerrero. Le match a duré 13 minutes et 5 secondes et Chris Jericho a remporté le combat par soumission. Que dire à part que c'était le show stealer cette soirée, hors base? C'était tout simplement le meilleur match de la soirée, c'est ça le pire. Déjà, on va faire une première remarque, c'est que le match est plus long que les deux matchs pour les titres mondiaux. Oui, je reviendrai ça tout à l'heure. On en reparlera, mais déjà, ça, c'est déjà bien. L'osmose entre Jericho et Ziggler est très bonne. Ah, oui, Tifo, le match est plus long que les deux matchs pour les titres mondiaux. Ils sont très courts, les matchs pour les titres mondiaux. D'ailleurs, tous les matchs... Je me suis pas rendu compte. L'osmose entre les deux, donc, est très bonne, et franchement... Bon, la victoire de Jericho sonne un peu comme une dernière On l'a vu d'ailleurs après Aro, hein, qui a perdu son contrat. Mais ça sonnait un peu comme une victoire révérence, tout ça, etc. Bon, c'est, on sait qu'il va peut-être revenir après la tournée de Fozzy, tout ça, mais bon, ça faisait une bête dernière victoire, et après, ouais, on peut retraiter bon que ce soit pas Ziggler qui ait gagné, parce que Ziggler a besoin d'un push pour se présenter. Son push, il a le lendemain quand il vire Jericho, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, le faire à SummerSlam aurait peut-être été un gain de temps et aussi un gain d'exposition pour Ziggler. Parce que gagner en pay-per-view, c'est toujours un truc en plus, quoi. C'est... Et, mais bon. C'est... Mais en tout cas, le match est bon, hein. C'est le meilleur de la soirée. Alors, j'ai l'avis de MP. Très bon opener, mon match of the night. Simplement. Ziggler prouve encore une fois qu'il est prêt pour le main event et cette fois contre Jericho est une autre étape qui l'aidera dans son développement. Jericho est meilleur que jamais à son âge. Ce que je voulais juste dire, c'est que bizarrement, à chaque fois qu'il ressort le Lion Tamer, Jericho il gagne. En fait, ça fait un peu une sorte de code, c'est qu'à chaque fois c'est le Lion Tamer, ça finit par une soumission et si t'as les Walls, bah tu sais que ce sera cassé, quoi. C'est un peu bizarre. C'est peut-être le problème de cette prise-là, c'est qu'on est, avec le Walls of Jericho, c'est qu'on est tellement habitué que ce soit une prise presque commune et pas de finition, qu'à force, bah, son pouvoir de finition envers les spectateurs, ça décline peut-être un petit peu. On a l'impression qu'il y a le Walls, mais en fait, il tapera jamais. Le Entamer, vu que c'est un petit peu exceptionnel, sort de l'ordinaire, ça éprouve peut-être un peu plus de réaction de vis-à-vis du public. Mais pour revenir au match, oui, je trouvais que c'était un très bon match. Après, Ziggler s'en sort toujours aussi bien. Bon, Vicky Guerrero a l'air de s'être encore adapté à la période où il est tenteur de la mallette Money in the Bank, puisque avant, l'introduction était peut-être un petit peu plus courte, et maintenant, on va plus un petit peu dans la longueur et tout ça, au début de l'introduction du pay-per-view. Mais finalement, Ziggler fait ce qu'on lui demande, un match tout à fait correct. Après, je pense que c'est le meilleur du pay-per-view. Mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est tout à fait correct. Pour un pay-per-view lambda, après pour SummerSlam, c'était un petit peu en dessous de nos attentes. Mais en tout cas, Ziggler, après avoir combattu Rey Mysterio au SummerSlam il y a 2 ans, je crois, l'année dernière il avait encore Rey Mysterio. Donc en tout cas, chaque année, il réussit à faire donner de bons matchs au SummerSlam. Donc c'est une bonne période pour lui. Moi, je suis un petit peu d'accord avec Verpa parce que le match, je suis d'accord avec vous, c'est le match de la soirée. Mais en revanche, c'est pas forcément un match exceptionnel. Je veux dire, il y a rien de mémorable. Ce qui aurait été mémorable, plutôt, ce serait de faire gagner Ziggler parce que c'était vraiment l'occasion de faire de lui une véritable star. Surtout qu'on a vu. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'était quoi ça? Je vois quand Sébastien parle, ouais, il y a c'est vrai. Quelque chose. À chaque une fois, t'as eu la piste d'Eden. Ouais, c'est vrai. Déjà, donc pour en revenir un petit peu plus sérieusement, déjà la position d'opener de ce combat, ça m'a surpris. Et je me suis dit que si Ziggler catch l'opener, il va forcément encaisser la mallette plus tard dans la soirée. Finalement, déception puisque ce n'est pas arrivé. Et c'est dommage parce que pour moi, SummerSlam, c'était l'occasion de faire de lui une star. Oui, après, moi, je suis un peu d'accord avec vous tous. C'est un bon match, oui, très très bon match. Après, c'est vrai qu'il n'y a rien eu d'exceptionnel qui fera qu'on se rappellera de ce match pendant un certain temps. Ça, j'ai envie de dire que ça manquait de peps, enfin d'intensité, on va dire. Ou de... Ouais, du peps, on va dire. Donc oui, à part ça, ouais, moi aussi, comme Seb, je pensais vraiment que voir Ziggler en opener aurait caché sa mallette plus tard. C'est pas arrivé, bah tant mieux, hein. On aura ça pour une prochaine fois. Là, je suis pour dire que Ziggler a... C'est peut-être un petit peu trop tôt pour cacher, et heureusement qu'ils l'ont pas fait. Oui, heureusement aussi, ouais. Tu te retrouves avec... Bon, il est prêt pour être champion du monde, ça c'est clair et net, mais peut-être... Et ce cache-là, il arriverait vraiment trop tôt. Un mois après l'obtention de la mallette, les deux challengers au titre n'ont plus la mallette, je pense que non. Ziggler devrait être champion beaucoup un petit peu plus tard, et pourquoi pas Night of Champions. Puis surtout que Sheamus est vraiment sur une bonne lignée, je pense pas qu'ils veulent le faire perdre comme ça avec le cache. D'ailleurs, son règne commence vraiment à me saouler. J'adore. J'adore Sheamus, j'en en reviendrai tout à l'heure. Est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que ce match en opener a très bien allumé le public. On va dire, enfin, allumé. Bref, le public était bien chaud, il y a eu des chants Let's Go Ziggler, Y2J, tout ça, c'était très très bien à ce niveau-là. C'est ce qui montre que les deux portent un certain intérêt pour le public et sont très populaires. Et que les deux, enfin, Ziggler mérite vraiment ce passage vers le main event parce qu'il crée de fortes réactions. Ouais, je suis d'accord. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et puis je trouve que le personnage de Jericho en face, bien qu'il n'a pas été énormément construit, était très très bon et a très bien fonctionné. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, ça a et été c'est la, c'est le, la fête qui a été le mieux construite pour le pay-per-view. Ouais. C'est ça le pire. Ouais, bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est Jericho en face, je l'ai trouvé très bon. Oui, j'ai kiffé. D'ailleurs, je suis assez déçu qu'il en fasse venir en heel, le Jericho, parce que bon, il a pas vraiment le lieu d'être en heel et. Ah oui, mais c'était. Pour moi, il doit être face, quoi. C'était quand même utile parce que. Oui, bon, pour sa fête avec Punk, oui. Ouais, voilà, il a servi quand même à faire passer Punk définitivement, mais il est dans le temps. C'était un peu un passage. Enfin, Jericho, on sait qu'il job pas mal pour les autres depuis quelques années, et là, c'était un peu pour Punk le passage vers le main event définitif, quoi. Donc, main event, ça reste à voir encore. Ouais, enfin, ça, c'est parce que la WWE sait pas organiser ses matchs, hein. C'est bon. Ça. Mais sinon, on va dire que ça a essayé la popularité de Punk, définitivement. Alors, est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? Oui. Absolument. Allons, on va passer au match suivant, un match qui a duré 1 minute et 2 secondes entre Daniel Bryan et Kane, et victoire donc de No Man, Daniel Bryan, par roll-up, il me semble, messieurs. Tout à fait, rapide, c'est ça. Alors ça, juste quelque chose, le match est bon. Le match ouais. est bon, Kane est sans contestablement le meilleur big man que la WWE peut-être jamais eu. Il était bien. Et Kane, moi j'aime beaucoup. Son personnage de face, quand il est complètement fou, j'aime bien. Et faut peut-être continuer une feud avec Daniel Bryan. Moi je suis pour continuer cette feud-là et on pourrait avoir de très très bonnes choses pour l'avenir. C'est-à-dire que Kane, bon, je le trouve pas tellement face, hein. C'est toujours un tweener, il est toujours sur oui, la... Non, sur mais... la... Il s'en fout de qui il rencontre, il balance tout, hein. Ça c'est toujours pareil. Après, bon, c'est un match où t'avais l'impression qu'ils ont fait seulement du déballage de leur moveset et basta, quoi. C'était bien construit, hein. On peut dire. Après, le public était toujours dedans grâce à Daniel Bryan. Et franchement, c'est un match passable. Après, pour un pay-per-view comme SummerSlam, c'est très limite quand même, hein. C'est malheureusement. C'est pas le match le plus intéressant de la soirée, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas le match le plus attendu de la soirée. Et la rivalité a pas été trop mise en avant. Du coup, voilà quoi. D'ailleurs, après le combat, Kane a tué Josh Matthews. Ouais, pour la Josh Matthews qui est le mec qui se fait le plus buter après Brock Lesnar avec lui. C'est pire qu'un phénix, quoi, il ressuscite à chaque fois. Vers pas. Ah, moi je trouvais au contraire que c'était un bon match, vraiment pour la durée. J'étais pris dedans, je trouvais que c'était un match vraiment qui valait le coup, hein, pas un petit match ou un petit match passable comme j'ai pu l'entendre, non, de toute façon Daniel Bryan et Kane, on sait très bien qu'on peut pas s'en passer à l'heure actuelle, plus de deux pay-per-view de suite, on peut les écarter une fois mais peut-être pas deux, donc au moins on case les deux personnes, la feud avançait un petit peu, bon, elle sort un peu de nulle part, c'était pas mal, le public était dedans, c'était court, vraiment un match de milieu de carte, si on avait que ça, franchement on serait très content pour tous les prochains pay-per-view, ce serait vraiment très bien. Même si après on va rentrer dans l'ère des pay-per-view à thème et donc mettre des petits matchs comme ça sans thème, sans titre et sans gros shoot, c'est plus difficile. Sébastien. Pour moi, ce qui est le plus gênant aussi dans ce combat, c'est qu'il n'y a aucune construction du tout. C'est quasiment un match sorti de nulle part. Après, le match en lui-même, et je suis comme vous, je pense qu'il est plutôt pas mal. Un peu court quand même, mais plutôt sympathique. Et pour une fois, je trouve que le roll-up est bien sorti pour finir le match, parce que Daniel Bryan, à côté de Kane, c'est quand même un gabarit très très faible, et donc le roll-up s'y prête bien à cette situation. Dommage, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas vraiment eu d'histoire autour, parce que ça aurait pu être sympathique avec une storyline solide. Moi, cette histoire de roll-up me gêne. J'aime pas qu'un match finisse en roll-up. J'ai du mal avec ça. Alors, je vais vous donner l'avis de MP. Qui dit un autre très bon match, pas de surprise pour la qualité du match, comme deux bons catcheurs sont impliqués, une feud qui devrait continuer vu la fin, match à Night of Champions sûrement. Alors peut-être pas Night of Champions parce qu'il y aurait aucun titre en jeu, mais Oui, enfin ça, l'année dernière, Night of Champions, le main event, c'était Triple H contre CM Punk. Ouais, je suis désolé, il n'y avait pas vraiment de titre en jeu. Hein, donc... Ouais, c'est pas faux. Tifo, oui. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas donné mon avis. Ouais, bah quoi, ouais, je crois que vous avez tout dit. C'était un bon petit match, court, mais je pense que c'est ce qu'il fallait. Après, ça m'aurait un petit peu saoulé. Par contre, ouais, je te rejoins, Gus, sur la victoire de Bryan en roll-up. Je trouve qu'il a été pas très bien réalisé. En plus, on voyait que c'était... que le big man avait vraiment du mal à descendre, enfin avoir les épaules rivées, donc c'était moyennement fait, je trouve. Mais sinon, ouais, bon petit match, ça passe. Sébastien, est-ce que tu as donné ton avis, je sais plus. Oui, je l'ai déjà fait. Oui, alors on va passer au match suivant, match pour le titre intercontinental du Miz, qui a duré 9 minutes et 9 secondes. Le Miz donc a battu Rey Mysterio dans un combat pas trop mauvais, hein, messieurs. Au titre intercontinental, Tifo, tiens, je vais commencer par toi cette fois-ci. Ouais, bah écoute, c'est toujours pareil, hein. C'est un peu la même chose que le Brian Kane. C'est un bon petit match, ça se regarde, c'est agréable. Mais après, j'ai envie de dire que c'est pas à la hauteur d'un SummerSlam qui est qualifié comme un biggest event of the summer, quoi. Mm. Mais après, ouais, c'est un bon petit match, ça comble les deux lutteurs, ça comble la carte. Pas grand-chose à rajouter. La victoire était prévisible. Sébastien. Bah, je peux quasiment faire un copier-coller de l'avis de Tifo, hein, parce que je pense qu'il a tout dit sur ce match. Dommage qu'il y a encore une fois pas de construction sur ce match. C'est une constante sur ce pay-per-view. Des bons combats, mais des storylines inexistantes. Et ça, c'est bien dommage pour SummerSlam. Bah ouais, hein, on passe toujours sur les mêmes commentaires, quoi. C'est un match propre, sans plus. Voilà. Alors, j'ai donné l'avis de MP. MP qui dit encore un match plaisant à voir. The Miz conserve logiquement. Il ne pouvait pas perdre le titre juste après l'avoir gagné. Qu'est-ce que Mysterio fera après cette feud? Après, en parenthèse, il rajoute qu'il en est peut-être à son premier et son dernier match. Ah oui, parce qu'il s'est d'ailleurs, fait une promotion. Ouais, son Mysterio, ouais. Mysterio, le monsieur qui se blesse. Ouais, ce sera pas une blessure de 6 mois. Là, il va revenir dans 2 semaines. Voilà. Après le genou, il se fait une commotion cérébrale. Je me demande s'il est encore hâte à vraiment tenir sur le ring. Ouais, mais il faudrait quand même une toute dernière feu pour. Ouais, c'est ça, mais voilà. Parce que ouais, c'est con que Mysterio finisse comme ça, quoi. Ouais, mais il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, quoi. C'est un peu comme Undertaker. Ou alors il s'occupe de Sin Cara. Ou alors tu le vois s'occuper de Sin Cara, mais il doit prendre sa retraite. Ouais, une grosse feu contre Sin Cara pour la retraite, ce serait pas mal. Pourquoi pas? Ouais. Il peut jamais se passer de lui, hein. Sin Cara est mentionné à toutes les émissions. On l'aime, Sin Cara. Et Ted DiBiase aussi, mais on en a parlé tout à l'heure. Attends, il en manque un. Oui, Verpa. Quoi? David Verpa sur ce combat. Moi j'ai pas d'avis, j'ai pas vu la suite. Je la garde, j'ai un petit peu de retard, et oui. Et Gus, si vous saviez comment il traite ses consultants, hein, il y a des dates limites et tout ça, donc j'ai pas pu voir le pay-per-view dans les dates limites avant l'enregistrement, donc ça sera sous très peu. Et oui, parce que Wrestle Radio maintenant, on a pas mal de moyens. Ouais, c'est clair, t'aurais pu mentir, quoi. On a pas mal de moyens maintenant, Wrestle Radio, depuis que Gus est passé président, fondateur et dictateur à vie. Donc, de toute façon, maintenant on enregistre très rapidement après les pay-per-view et donc c'est pas toujours facile de voir le pay-per-view entre les deux. Voilà, vous savez, le making-of de Wrestle Radio. Et là encore, on le fait très en retard, celui-là. Très en retard. Si vous saviez combien de jours après c'est enregistré, c'est quand même... Ben, une semaine après, quoi. Très court. T'as cassé le quai faible, la merde. Ah, j'avoue. Ah, il faut bien. Allez, c'est parti. On va passer au match suivant. Match pour le World Heavyweight Championship. Match qui aura duré quand même 11 minutes et 22 secondes. Donc, moins long que l'opener, comme on dit tout à l'heure. Et Sheamus a battu Alberto Del Rio grâce à un Irish Curse. Et encore, Del Rio avait le pied sur la corde quand le match est terminé. Donc, victoire un peu volée de Sheamus. Dans ce combat, et en plus, le match est pas bon, quoi. Il faut dire ce qui est, le match est vraiment pas bon. Bah, honnêtement, je l'ai trouvé meilleur que celui qu'avait eu avant à Money in the Bank. Je l'ai trouvé plus plaisant à regarder. Alors c'est parce que Del Rio dans le combat que Del Rio, j'ai du mal, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai du mal de toute manière avec les deux dans le ring. Je l'avais déjà dit lors de l'émission précédente. Ça donne pas du tout envie. Mais après, ouais, par contre, c'est au niveau de la victoire de Chimu, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite confusion. Je sais pas. Ouais, il y a, mais c'est une excuse pour continuer la fête un peu plus tard. Ouais, bah, ouais, mais même l'arbitre avait l'air un peu paumé, j'ai l'impression. Ouais, non, mais ce match-là, ce match-là était bizarre. Oui, c'est sûr, il était bizarre. Après, c'est chiant de se dire que c'est pour le World Heavyweight Championship. C'est. Enfin, de toute façon, le World Heavyweight Championship, depuis un moment, c'est un peu on le casse où on peut, quoi. C'est soit en opener, soit le plus tard dans la soirée possible, hein, entre deux matchs bouche-trou, peut-être. Mais voilà, quoi. Le titre perd de plus en plus en valeur. Il manque une vraie rivalité, un truc vraiment prenant. Et là, entre Sheamus et Del Rio, j'ai eu l'impression d'une répétition, c'est-à-dire que Del Rio s'attaque au bras de Sheamus, et malgré tout, bah voilà, quoi, Sheamus s'en sort, comme d'hab. Il joue un peu le champion invincible, un peu à la Cena, hein, mais je vais te faire la comparaison facile. C'est un peu ce qui est, quoi. C'est Sheamus qui est imbattable, un champion face fade, voilà, quoi. À part peut-être le retour de Wade Barrett bientôt. Voilà, comme ça, on aura complété le trio. Ah, oh mince, ça y est. Voilà, et voilà. C'est le retour de Wade Barrett, je l'attends quand même avec impatience parce que ce gars. Wade Barrett. Wade Barrett Rox. Ouais, mais voilà. Après, on se plaint d'un Alberto Del Rio Sheamus, mais excuse-moi, mais Sheamus Wade Barrett, il y a. Pff, ah, Sheamus c'est Barrett. Pas non plus, voilà. Je t'ai dit, l'année dernière à Nîmes, ça va bien, samedi, ça fera un an jour pour jour. Que j'ai vu ça et c'était juste énormissime, quoi. Mais en ouais, live, t'as jamais les mêmes réactions oui, que non, devant non, ta mais télé. C'était de loin le meilleur combat de la soirée de Nîmes, quoi. Mais Wade Barrett avec Sheamus, ça pourrait donner une grande alchimie, ouais, parce que déjà les deux doivent se. Je crois qu'ils se sont déjà croisés Ah non, j'ai rien dit. Les deux ont un style plutôt proche, sans trop l'être, quoi. C'est des brawlers, mais. Ah, je pense que ça pourrait donner vraiment un match assez rythmé, mais je crois qu'ils se sont déjà croisés si vite fait. Je crois qu'il y avait une sorte de mini-rivalité enclenchée, je sais plus. Ouais. Et avant la feud avec... Il y avait un match qui avait été vraiment pas mal et à SmackDown, il me semble. Et franchement, j'ai envie de voir ça pour le titre. Et vu comment a l'air de revenir Wade Barrett, ça pourrait donner un personnage encore mieux avec le retour du Barrett Barrage, tout ça. Franchement, Wade Barrett, c'est un gars que j'attends. Et comparé au Sheamus Alberto Del Rio, ça pourrait donner quelque chose de beaucoup mieux. Une petite question concernant Barrett. Cet hiver, on parlait notamment d'un problème avec son thème musical qui n'était pas très apprécié de la part des fans. Est-ce que vous croyez qu'après un petit intermède de... Alors, il s'est blessé quand? Mois de février ou mars? Février. Mois de février, juste après le... Ouais, fin février, est-ce que vous croyez qu'après un intermède une absence de 6 mois, il faut revenir avec un nouveau thème? Je pense qu'il va revenir avec un nouveau personnage. Il le faut qu'il revienne avec un nouveau thème, de toute façon. Parce que le thème qu'il avait... Parce que je regardais il n'y a pas très longtemps encore le Chamber, j'ai retrouvé le Chamber 2012 sur mon PC, et le thème qu'il avait en partant, ben, ça le faisait bider complètement, quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie. Un thème qui fait bider comme ça... C'est horrible. J'ai vu une vidéo sur internet du Dark Match qu'il a fait à SmackDown. Et pour le peu que j'ai entendu du nouveau theme song, parce qu'il me semble qu'il y a un nouveau theme song, si j'ai bien entendu, parce que la qualité de la vidéo est... Est-ce que ça faisait un rythme comme ça? Na na na na. Peut-être. Franchement, je m'en souviens pas. Ah oui, c'est vrai que c'était ce thème là. Ouais. Enfin, c'était un nouveau thème qui était minable. Oui. Ouais, d'accord. Je le trouvais pas terrible personnellement. Parce qu'il avait eu celui de The Core aussi. Il avait End of Day qui lui allait très bien. Ouais. End of Days, franchement, c'est un de ses meilleurs. Un des meilleurs thèmes de WWE de toute façon. Ouais. Et franchement, limite, pour un retour de du thème de Nexus, limite, moi je serais pas contre. Mais bon. Ouais, mais Nexus maintenant c'est devenu mythique. Avec un, c'est We Are One, pour un seul mec, ça te pas trop. Non. Est-ce que vous voulez passer au match suivant? Oui. Ah oui, je voulais dire quelque chose. Le règne de Sheamus. Je voulais dire un mot sur le règne de Sheamus. J'adore Sheamus, mais je sais pas, son règne, il m'emballe pas du tout. C'est vraiment... c'est peut-être les challengers qui vont pas... Non, c'est son côté face aussi, je pense. C'est le côté imbattable qui a été nourri, il y a pas vraiment de difficulté mise en contre contre Sheamus, il n'y a pas vraiment de challenger mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de challenger qui sont crédibles, parce que Sheamus les efface d'un coup de bras, quoi, enfin d'un coup de pied plutôt, et voilà, quoi, c'est pas vraiment bien fait. Le règne est long, certes, mais il est mauvais. De toute façon, ça tourne un petit peu en rond parce que à Night of Champions, ça a été annoncé à SmackDown, Sheamus affrontera encore une fois Alberto Del Rio, donc ça fera troisième pay-per-view consécutif qui s'affronteront. C'est pas possible, ils vont rajouter quelqu'un d'autre. Ah, pour l'instant, ouais, l'affiche est décidée comme ça. Ça peut évoluer. S'il y en a un troisième, ça sera le dernier. Ça sera Roman Reigns. On peut finir avec un quatrième. Non. Et l'Inocel, c'est juste après. Del Rio, il connaît un peu l'Inocel. Bon, Sheamus, c'est presque en train de devenir sa spécialité, donc. Mais, moi, je pense que s'il y a un troisième match, un troisième dans le match, je pense qu'ils vont rajouter Orton, parce que. Je pense aussi, ouais. Histoire d'ajouter un peu d'attrait pour la foule et peut-être vendre un peu plus de match. Et justement, je sais pas si Orton va pouvoir participer à ce combat, parce qu'il doit partir sur tournage de 12 rounds rebound. 3. Ouais, enfin ouais. Donc je sais pas si il va pouvoir parce qu'il va devoir s'absenter encore une fois, quoi. Et en plus, il a perdu le number one contenders match en abandonnant face à Alberto Del Rio à SmackDown. Ouais, d'accord. Alors voir Orton abandonner, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Un truc à voir. Qui montre quand même que la WWE lui en veut quand même d'avoir cassé tout ça en suspendu. Ouais. À mon avis, il a fait la connerie trop, et je pense que là, son statut de main eventer est quand même assez en danger. Orton, quoi, il reste. Mais c'est charisme que tu peux pas lui enlever, quoi. Oui, mais il va avoir quand même un certain temps, il va être mis en antichambre, quoi, en upcard, un peu à travailler comme ça, à jobber limite pour les autres. À mon avis, il faudra un certain temps avant de le revoir au main event, peut-être l'année prochaine. Peut-être après son retour, après le film, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après le film, de toute façon, ça sera quoi, novembre-décembre. Donc novembre-décembre, t'embrayes sur Royal Rumble et Road to WrestleMania. Donc après, il arrive à la meilleure période. Donc ça sera le meilleur moyen de le remettre devant. Par contre, c'est pas garanti, vu le run qu'il a eu cet été, qu'on le mette très haut sur la carte pour le prochain WrestleMania. Ça reste un main eventer, mais on va pas lui donner l'un des deux matchs principaux du prochain show. C'est trop court pour faire la différence. À moins qu'il ait remporté le Rumble. Parce qu'on sait que c'est en train de se décider en ce moment, les matchs de WrestleMania. À peu près. À moins de... De toute façon, Orton, ça fait quelques WrestleMania qu'il est vraiment en mid-card. Hein. Il a affronté Kane cette année. Il y a quelques années, c'était contre la Legacy. Le match contre Legacy, à la limite, c'était pas si mal que ça. C'était pour finir la Legacy, quoi. Ouais, enfin, c'était quand même le deuxième match du show, quoi. Il y avait une raison. Haut. Oui, c'était pas très haut, ça c'est clair. Mais après, il y a deux ans, il avait affronté CM Punk dans un All's Bar, je crois. Ouais. Ah, en fait, son dernier main event à WrestleMania, c'est contre Triple H en 25. Et après, il a fait que des matchs entre les deux, mid-card assez bas et mid-card. Donc, Orton a une certaine popularité, mais autour de WrestleMania, généralement, on lui préfère d'autres personnels. Hein, et à mon avis, il va pas gagner le Rumble parce qu'il a déjà gagné et on va plutôt vouloir peut-être asseoir définitivement un autre catcher. Pourquoi pas Punk? Parce que je pense que Punk va avoir son règne qui va se terminer dans pas longtemps et ça fera un bon candidat pour Royal Rumble s'il possède pas le titre. Allez messieurs, on a terminé ce débat sur le World Heavyweight Championship, on va pouvoir passer au match suivant si vous êtes d'accord. Pour la on n'a pas trop le choix en fait. Pour la possibilité de ce combat entre Kofi Kingston et R-Truth contre les Prime Time Players, sans AEW qui était renvoyé, je vous le rappelle. Et Kofi Kingston et R-Truth ont remporté ce combat en 7 minutes et 7 secondes. Et j'ai envie de dire, heureusement que les Prime Time Players n'ont pas remporté ce combat. Je ne les supporte pas, ces mecs. C'est qu'une question de temps. Je ne les supporte pas. Je vais parler d'NXT vite fait maintenant, parce que ça concerne une équipe, contestablement la meilleure équipe de la WWE. L'équipe qui a le plus de charisme, l'équipe qui va le mieux ensemble. Et il faut les sortir de NXT et très vite. Et pourquoi pas les faire gagner le titre, parce que putain, ils ont quelque chose, ces deux-là. Mais faut pas les cramer hein, non plus, hein, parce que ils ont peut-être un bon potentiel, mais si tu les sors trop vite de NXT, ça pourrait les cramer rapidement. Mais le match en lui-même est très mauvais, hein, mais pas forcément de la faute à Kofi et Truth, mais plutôt au ralentissement, au changement de rythme donné par The Prime Time Players, qui sont très lents. sont très lents sur le ring et le pire c'est la fin du match en fait, parce que la fin du match c'est toujours la même chose. Kofi qui se sacrifie pour avoir soit Darion soit Kissy Sonny. Après on retrouve qui prend un roll-up qui compte mais qui met son finisher et hop fini. Vous verrez, c'est à peu près 80% des fins de match entre ces deux gars. C'est à chaque fois c'est Kofi qui se sacrifie et Orproof qui finit le match. Hein. C'est toujours comme ça ou inverse. Pas plus. C'est toujours répété et puis voilà quoi, le titre tag team qui passe un peu à la place des divas. Bon, divas qui auront pas un rôle forcément beaucoup mieux dans ce pay-per-view. Ce qui n'apparaissent pas. Ah si, elles font les pétasses pour Kevin Rodolphe. Ah oui, c'est vrai. Non, mais après, c'est vrai que les primetime players, voilà, ça fait quelques numéros déjà qu'on parle d'eux et qu'on est vraiment pas emballé. Et malheureusement, d'après ce qui se dit, ils devraient quand même, malgré tout, prendre les titres. Ça, j'ai vraiment pas envie de voir ce moment, ça va être juste une catastrophe. Et donc moi, après, ouais, Gus, toi, tu milites sur l'équipe de NXT, là, que je connais pas trop. Mm. Moi, je milite toujours pour les Usos, malgré aussi, leur statut qu'ils soient face. Ah, les Usos, ouais, c'est la meilleure. Franchement, à part peut-être The Ascension, que j'ai pas trop vu, mais les Usos, c'est une bonne équipe, hein, franchement, qui méritait d'avoir un règne et qui l'a jamais eu, qui job tout le temps, et franchement, c'est l'équipe qui devrait avoir les titres actuellement et qui les a pas. C'est la seule vraie équipe. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, j'espère que l'unique espoir que j'ai, c'est que les prime time players prennent les titres et qu'après, on fasse une feud avec les Usos. Et que ces derniers prennent les titres à leur tour. C'est vraiment ce qui me motive, parce que sinon, j'ai vraiment pas envie de voir cette équipe. Ah, moi, je suis un petit peu en désaccord avec vous sur ce coup-là, parce que moi, j'aime bien finalement les prime-time players, ils sont pas forts. Parce que moi, je trouve qu'ils sont pas forcément dégueulasses dans un ring. Et... Après, je sais pas trop pourquoi vous les aimez pas, non, mais... Laisse-le s'exprimer, c'est pas de sa faute s'il a pas de goût. Et de toute façon, je pense que Kingston et R2, ils ont fait leur temps maintenant hein, en champion par équipe. Il faut changer. Et les primetime players, pour moi, ils peuvent être des remplaçants solides. Non, en fait, je pense que ce qu'on leur reproche déjà, c'est leur manque de charisme. De charisme, tout à fait. Leur theme song aussi est juste tout pourri. En plus, il y a eu Abraham Washington qui, pour moi, m'a saoulé. Donc déjà, oui. Rien que cette équipe, voilà. Hashtag monnaie, ta gueule. Ouais, et non, ce que je voulais aussi, leur aptitude dans le ring. Ils sont pas bons. On peut pas dire que c'est une bonne équipe. Bah c'est eux qui cassent le match, hein. Je suis désolé, mais c'est eux qui cassent le match. À chaque fois qu'ils avaient la domination, le match perdait forcément en rythme. Les deux sont juste un peu des brawlers mal foutus et ça n'a pas varié ni rien. Non, ils sont mauvais sur un ring. Moi, je suis désolé. Les deux sont mauvais. Ouais, je dirais que je suis En plus de ça, il y en a un des deux qui monte sa bite sur Twitter et l'autre. L'autre, c'est un ersatz de Tina, mais en mal foutu et en mauvais sur un ring. Voilà. Ah, moi, je dirais pas forcément qu'ils sont mauvais, mais. Du Sony, il a montré sa bite sur Twitter, si vous ne le saviez pas. C'était une erreur de sa part. Il a vite enlevé cette photo. C'est sérieux. Et oui. Ouais, mais par contre, je crois qu'elle traîne encore sur le web et franchement, c'est moche. C'est vite quoi. C'est des cauchemars. S'il vous plaît, still safe, don't try this at home. Normalement, t'as la net. Donc, je crois qu'on va passer à la suite. Allez, messieurs, on va passer au match suivant. Je vais quand même donner l'avis d'MP que j'ai pas donné pour le World Heavyweight Championship. Alors, je vais donner les deux, tant qu'à faire. Alors, MP, alors l'avis d'MP sur le Sheamus Del Rio, une déception pour moi. Je m'attendais à un match of the year. Par contre, je m'attendais à mieux que ça. Un finish décevant qui sert uniquement à faire continuer la feud, on aurait pu trouver mieux. Et concernant donc le Kingston PTP, un match correct, pas d'innovation, pas de gros spots, il va falloir nous donner plus pour intéresser les gens à une division par équipe à la WWE. J'aurais aimé une victoire des PTP pour que ça redonne un peu plus de vigueur à la division tag team. Voilà. Allez, c'est parti, on va passer au match suivant, le match pour le WWE Championship entre John Cena, Big Show et CM Punk. Le match, alors attention, le match, messieurs, a duré à peine 12 minutes et 35 et 34 secondes, c'est quand même très très peu. Et CM Punk donc a remporté ce combat suite à un attitude adjustment de Cena sur Big Show qui a dégagé Cena du ring et a fait le tomber, quoi. Opportuniste. Ouais. Leur base, vas-y. Ben, le match est bon. Franchement, soit il est bon, on a un finish, enfin un pré-finish, on va dire, avec CM Punk et John Cena. Verpa, au revoir. Enfin, Verpa. Gros bisous. Bisous, Verpa. Gros bisous. Voilà, allez. Ah ouais, en fait, le pré-finish avec CM Punk et John Cena qui font leur prise de soumission au Big Show qui tape, ça rappelle un peu Orton. Je vais pas te mentir. De Cena et Triple H. Quand j'ai vu Punk faire son. Anaconda Vice. Non, son Koji Clutch. Je crois que c'était ça, c'est la prise de soumission qu'il a sortie. Ah, je suis pas sûr. Ouais, il me semble que c'est une Koji Clutch, c'est ce que dit EMP, tout simplement, de toute façon. Quand il sort la Koji Clutch, je me suis dit, tu vas voir que plus tard dans le match, Punk va ressortir sa Koji Clutch, et t'as Cena, il va venir, il va faire son STF au même moment. Et ouais, il s'est passé. Bah, en fait, ça fait encore une fois une sorte de rappel, enfin pour les fans qui ont une mémoire de plus d'un mois, ça rappelle la double prise de soumission de Triple H et John Cena sur Orton. Et encore une fois, le match a été redémarré et encore une fois, c'est le champion qui conserve finalement la ceinture, même si pour une fois, c'est pas celui qui prenait la soumission, quoi. Enfin, c'est Punk qui gagne pour asseoir un peu ce changement d'attitude de sa part, le fait qu'il n'ait plus à gagner de façon clean, voilà, je veux dire. Donc on est à mon avis toujours sur une sorte de twinner turn. Je reste toujours sur cet avis qui reste twinner, mais a tendance un peu à faire ce qu'il veut, donc a plus forcément être ce face un peu trop faible, et c'est bien en fait, ça renouvelle le personnage de Punk, son règne et tout, c'est plutôt pas mal. Je te le confirme, de Tifo. Ouais, moi ce match, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été très surpris par la performance du Big Show. J'ai trouvé très intéressante, je trouve qu'il a très bien rempli son rôle. Moi je l'ai toujours défendu Big Show dans ce match-là. Et dans ce match-là, non, moi ce que je voulais dire, c'est que sa présence à la base m'emballait pas du tout. Et au final, je trouve que son rôle a été vraiment très intéressant. Il a vraiment détruit tout le monde à chaque fois. Et donc, j'étais vraiment content de sa performance. Ça m'a fait plaisir. Donc, après le match en lui-même, c'est pas top top, on va dire. Heureusement que Punk garde son titre. Mais bon, c'est qu'une question de pay-per-view. De toute façon, dans un ou deux mois, ce sera fini. Et cette victoire aussi, comme l'a dit Orbas, c'est surtout pour renforcer son côté heel, même si pour moi, oui, il est toujours face ou plus twinner, mais il est en aucun cas heel pour moi. Une personne a parlé de l'intervention d'AJ dans ce match-là pour le moment. J'ai bien aimé, elle joue son rôle à la perfection. Ouais, bon, après, c'était peut-être un peu rapide, un peu vite fait, quoi, c'était pas forcément indispensable. Par contre, je veux revenir sur la rivalité en général. C'est vrai que le Big Show a fait une bonne perf et que c'était la deuxième après Ziggler-Jericho, c'était la deuxième rivalité la mieux présentée pour ce pay-per-view, celle qui était la plus intéressante et celle qui n'était pas dans le main event, alors qu'elle aurait dû l'être forcément. Et à la place, on lui a préféré une rivalité longuette, mais on va y revenir plus tard. Effectivement. Sébastien. Ah, moi, j'étais pas forcément emballé par ce match. J'ai rien trouvé de forcément génial dans ce combat. Le Big Show, certes, fait son rôle de big man. Il l'a bien fait pour une fois. Mais ça ralentit quand même forcément le combat parce que le Big Show, c'est quelqu'un de très lent et qui fait des attaques puissantes. Et en face à CM Punk, c'est plutôt l'inverse, quelqu'un de rapide et qui fait des prises techniques. Donc, l'opposition de style, je suis pas très très fan. Après, moi, je vous avoue que ce combat, j'ai vraiment oublié un petit peu tout ce qui s'est passé. Même l'intervention d'AJ, par exemple, j'ai quasiment zappé cette partie du match. Je retiendrai que le résultat, CM Punk champion, et pas très emballé par le combat. Alors, je vais donner quand même l'avis d'MP. Alors, MP nous dit Big Show, un bon triple threat, d'une durée un peu décevante pour un match de championnat pour le titre WWE. CM Punk a sorti un beau Koji Clutch. Il y a un peu de bonnes interaction entre les trois, le double finish arrive rarement, c'était bien pensé et ça a permis de faire gagner Punk en mode sur un move de heal. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à lire les taux. On notera que la vessie de Tifo ne tient pas plus de 30 minutes. Ça fait la 5e fois en 1h30 qu'il va aux toilettes. Alors je pense qu'il faudra faire des donations pour qu'il aille voir un docteur, un de ses quatre. Je vais vous envoyer son adresse, son numéro de téléphone. Franchement, il faudra le soutenir et j'espère que vous serez là pour lui. vous les fans. Tout ça pour meubler tout ça pour meubler 30 secondes. Hein. Voilà, juste pour meubler qu'il ait le temps de revenir. Allez, on va passer au main event de cette soirée entre Triple H et Brock Lesnar avec Polyman. Match a duré 18 minutes et 45 secondes. Et Brock Lesnar a remporté ce combat des suites d'une Kimura Lock, messieurs. Alors, on va en même temps profiter pour faire le débat sur Lesnar. En même temps, passer au match, en même temps, débat du match. Voilà. Je vais donner la parole à Sébastien. Alors, un combat qui est construit depuis un certain temps. Depuis le lendemain d'Action Rules. Voilà, donc ça fait quand même un certain temps. Et finalement, ça donne un résultat, pour moi, assez décevant. Parce qu'on s'attendait vraiment à une grosse bagarre. Et finalement, c'était plus proche d'un match... d'un match de catch normal plutôt qu'une vraie bagarre, malgré la situation no holds barred qui a été ajoutée à la dernière seconde. Après, je vais vous dire quand même que heureusement que Lesnar remporte le combat, parce que je m'attendais encore à ce que Triple H gagne, et heureusement que Lesnar gagne, parce que sinon ce serait vraiment le pétard mouillé de l'année, parce que s'il perd ces deux combats face à Cena puis Triple H, ça n'aurait vraiment servi à rien de faire tout ce build-up. Donc voilà. Heureusement qu'il a gagné. Lesnar devait remporter ce combat-là assez logiquement, bien évidemment. Moi, après, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que qui déboîte Cena assez facilement, mais perd, je trouve ça à la limite normale, parce que bon, Cena non plus, c'est pas un grand bagarreur, mais la domination qu'il a eue sur Triple H, ça m'a un petit peu dérangé. Quand même, Triple H méritait quand même une meilleure exposition dans le match, sans vraiment gagner le match, hein, bien évidemment. Ce que je peux dire, c'est que Triple H ne s'est pas assez défendu dans ce combat, et c'est vraiment regrettable. Hors base. Match pourri. Totalement pourri, affreux, sans véritable moment en fait. Il a eu une grosse domination, un petit retour de Triple H, une sans Kimura Lock pour un match d'un peu moins de 20 minutes. Donc déjà, il n'y aura aucun match qui aura dépassé les 20 minutes dans ce pay-per-view. Donc voilà, en plus la qualité est pas terrible. On a promu ce match un peu comme Cena et Zero, c'est-à-dire pas mal en avance. On a fait traîner les choses en répétant toujours la même chose, comme quoi Brock Lesnar voulait pas s'afficher. On a juste démêlé un peu les choses après le Romil. Finalement, on arrivait à quelque chose qui avait l'air personnel, qui était bien, plutôt bien fait. Hein. Moi, j'avais adoré la promo au Romil, mais après j'avais trouvé que ça s'était un peu éteint. Et voilà quoi, on n'a pas assez bien préparé, et puis Brock Lesnar, j'arrive pas à le stacker quoi. Il a un style sur le ring qui est vraiment mauvais quoi. C'est pas un retour, c'est juste de la brawl. C'est de la brawl mais de la merde quoi. On se croirait à l'UFC, mais moi je veux pas voir l'UFC, hein, moi je veux voir du catch. Et encore le catch, franchement, Sébastien disait que c'est un match de catch un peu simpliste. Mais je voyais pas de catch vraiment, hein. Il y avait pas grand chose qui me donnait l'impression que j'étais devant un match de catch. C'était un match pas très bon, vraiment, voire même pourri. Et sa position de main event est abusée. Attends, je te coupe, je me permets de te couper. Que ce soit le main event, c'est complètement normal. C'est Lesnar Triple H, c'est un peu pas le mieux. Ouais, mais voilà quoi, c'est pas assez bien fait. Non. Comparé à CM Punk, je trouve que pour une fois, CM Punk aurait pu faire le main event. Bon, ce sera sûrement pour la prochaine fois, parce qu'il n'y aura pas de Brock Lesnar Triple H Championship Champion. Mais non, moi, je trouve que c'était trop mal amené. Il y a eu trop de lenteur dans cette rivalité. On a trop tergiversé, on a essayé de refaire un peu du Roxinant en faisant monter la sauce, et ça n'a pas fonctionné. C'était un peu... C'est le pétard mouillé pour... Brock Lesnar, pour moi, c'est vraiment un pétard mouillé, même s'il a gagné le match. Voilà quoi. Limite, allez, peut-être le retour de Paul Heyman a peut-être fait du bien, vu que au moins on avait plus Brock Lesnar au micro. Mais franchement, non, moi je peux pas. Je peux pas saquer Brock Lesnar et j'aime pas ce retour. Tifo. Ce match, ouais, moi j'appelle même pas ça un match, tellement c'était chiant à mourir. Non, honnêtement, même le public, je pense que c'était notre avis, hein, à chanter des chants boring. Ouais, bah y a pas grand chose à dire. Hein. Le résultat, Brock Lesnar qui gagne ou que ce soit Triple H, pour moi ça revient au même. Là, ils sont en train de nous jouer la comédie du genre ouais Triple H va arrêter alors qu'on sait très bien qu'il va revenir pour lui péter la gueule une deuxième fois. Super, ça va nous faire encore un match comme ça. Non, mais oui, après voilà quoi, ça devait être une sacrée bagarre, un gros bordel. Bah y a rien eu, c'était mauvais tout court. Et donc après pour un... ouais vas-y Orbaz. On notera quand même que Triple H est vraiment sur la fin parce qu'il a perdu en masse musculaire, je trouve. Ça fait déjà un moment, mais le fait qu'il fasse que un ou deux matchs par an, ça commence à se voir. Il est un petit peu vieux, hein. On sent qu'il est plus dans les bureaux maintenant. Hein. Ouais, on sait qu'il est dans les bureaux et bon, déjà le fait qu'il ait plus les genoux en bon état depuis quelques années, ça se voyait déjà. Mais encore, ces matchs étaient encore tenables. Mais voilà quoi, c'était quand même assez flagrant que Triple H a perdu en masse musculaire et qu'il est devenu un peu rondouillé. Triple H, en 3 ans. J'aimerais pas l'avoir en face quand même, hein, mais bon, voilà quoi, il commence un peu à devenir un peu rondouillé. Sinon, moi, je reviens juste sur le débat à Lesnar, ce qu'on en pense. Donc moi, après, oui, je rejoins. Attends, j'ai quand même l'avis de... Ouais, vas-y. Alors, quoi qu'on peut dire de Brock Lesnar, ça fait deux bons matchs de main event de Pay-Per-View qui nous sort. Quoi que celui-ci soit, à mon avis, moins bon que celui contre Cena et Extreme Rules, il reste de bonnes factures, une belle histoire est racontée dans ce match. Brock retourne toujours à attraper le bras de Triple H et essaye de porter le Kimura Lock, qui finira par le triompher. Et puis Triple H, de son côté, se bat pour vaincre la machine de guerre qui est Lesnar. Un beau moment d'après-match s'ensuit quand reverrons-nous Triple H dans un ring pour catcher WrestleMania 29, qui sera son adversaire CM Punk. Il y aura d'autres questions à se poser. Franchement, je comprends pas MP. Hein. Je sais pas comment il peut voir ce match comme un bon main event. Et MP aime bien Lesnar. Ouais, bah ouais, mais là ça se voit trop quoi. On dirait qu'il lâche les couilles, le mec. Ouais, mais c'est comme toi, t'es pas objectif parce que tu détestes Lesnar. Bah, c'est pas ça, non. Bah, moi j'adore Triple H, c'est pour moi. Moi je suis entre vous deux, je vais pas te mentir, je suis entre vous deux. Le match est pas non plus dégueulasse. Ce qui m'a gêné, ouais, c'est surtout un truc qui me gêne, c'est que de voir Triple H complètement dominé dans ce match-là, alors que bon, Triple H il a quand même les moyens de s'en sortir un peu contre Lesnar. Enfin là c'est logique quand même, hein, parce que Brock Lesnar, bon, il a fait ses années du UFC, mais là Triple H c'est un peu comme Undertaker, il ressort maintenant pour 2-3 matchs par an, hein, pas plus. Donc c'est un peu normal qu'ils soient un peu à la ramasse. Et c'est mais attends, Lesnar revient quand même... Lesnar est jeune, hein. Lesnar est encore plus jeune pour comparer. 4 ans, c'est pas faux. Comparé à Triple H, Lesnar est très jeune, hein, donc il est limite, franchement, il serait à un âge où ce serait vraiment ses années au top pour la WWE. Il est très jeune et ce serait normal. Mais Lesnar est pas bon sur un ring. Franchement, son passage à l'UFC, ça se voit que maintenant il fait juste drôle et pas beaucoup plus. Voilà, j'ai pas aimé ce match. De toute façon, ce combat, il avait deux objectifs. Le premier, c'est de permettre à Triple H de sortir des écrans pendant un moment. Et le deuxième, c'est de rendre Brock Lesnar dominant. Donc si on se base sur ces deux objectifs, le contrat est rempli quand même avec ce match. C'est pas faux. Là, de ce côté-là, si on veut vraiment promouvoir Lesnar comme une bête de la nature, tout ça, ça a été bien fait. Hein. Bon, sa défaite face à Cena avait un peu entaché. Et du coup, le fait qu'il batte Triple H ce coup-ci, ça fait de lui quand même un homme à battre. Et... Enfin, il l'était toujours, mais là, ça l'affirme un peu plus. Et peut-être que on parle de rumeurs pour le mettre face à l'Undertaker à WrestleMania 29. Oh non, 30, 29, non, 29. Pas encore. Enfin, voilà, c'est possible. Après, faut voir. Pardon, il faut peut-être passer à autre chose pour l'Undertaker que Triple H. Bah, c'est normal. Après, il y a eu deux oppositions. Le dernier, c'est un Hell in a Cell en The End of the Era. Normalement, s'ils refont un Triple H Undertaker, c'est totalement incompréhensible. Hein. Bon, messieurs, je pense qu'on a tout dit. Non, moi, je n'ai pas donné mon avis sur Lesnar. Ah oui. Donc, moi, je rejoins totalement Orbaz sur Lesnar. Je trouve que ce gars, il a aucun charisme. Je sais pas ce que tout le monde a à dire qui dégage quelque chose. Mais moi, je lui trouve rien du tout. Après, dans un ring, c'est pareil. On voit qu'il a été à l'UFC. On sent que le mec veut vraiment se battre et non pas jouer la comédie. Donc ouais, non, j'ai jamais, depuis son retour, il m'a pas emballé. Je le suis pas plus maintenant. Il faut quand même préciser qu'on n'a pas vécu la période où Brock Lesnar était à la WWE, son précédent run. C'est peut-être ça la différence, ouais. Donc voilà, c'est peut-être ça qui joue aussi sur notre vision de voir les choses. C'est pour ça que je peux pas être... C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'avis sur Lesnar. Bon, j'ai l'avis sur son retour de maintenant, mais son run de maintenant m'intéresse pas plus que ça. Après, c'est vrai que si on aurait connu, vécu son premier rush à la WWE, je pense qu'on aurait eu peut-être des avis beaucoup plus différents. Ouais, c'est vrai qu'on a une expérience de fan de catch assez différente des autres. Hein. Peut-être, je sais pas si MP a vécu cette période-là. Non. Ah non, bah lui, il a peut-être vu des replays ou quoi. Le seul qu'il a vécu, c'est Brusty. Ouais, bah ouais, Bruce Lee, c'est notre vieux papy. D'ailleurs, il nous manque, Bruce Lee, moi, il me manque. Tu fais des gros bisous. voilà, et ouais, petit coucou à Sylvain, ouais, de ma part, ouais. Parce que bon, je reste sur mon avis, comme quoi Lesnar est tout pourri. Alors, si vous voulez savoir pourquoi il fait un coucou à Sylvain Garnelec, écoutez notre numéro spécial WrestleMania, vous comprendrez pourquoi. Il y a eu un gros débat entre Orbaz et Sylvain Garnelec concernant Lesnar et... Mais c'est bonne guerre. Oui, c'est bonne guerre. C'est bonne guerre. Bon, mais messieurs, je pense qu'on a tout dit, ça y est. Ouais. Allez, oui. On va donc passer à notre petit point NXT. Allez, on va Attends, tu t'oublies un gros morceau de l'émission. Les notes. Ah putain, les notes. Ah, les notes, oui, exact. Franchement, Lagus, c'est pas professionnel. À chaque fois, j'ai oublié les notes. Je sais bien qu'on est pas beaucoup, mais là, t'as oublié les notes, hein. Franchement, c'est pas bien. Attends, tiens une calculatrice. Bah, tu l'as sur ton ordi. 4-5, pas plus. C'est bon. Allez hop. Alors, la note de Tifo. La mienne, ouais, je dirais un 6. Un 6 parce que dans l'ensemble, les matchs étaient quand même pas mauvais. Mais après, pour un niveau SummerSlam, je trouve que c'était pas au niveau, même si c'était pas mauvais. Et le Brock Lesnar Triple H à la fin, lui en revanche, c'était mauvais. Donc, a bien fait diminuer ma note. Alors, j'ai donné l'avis de la note de MP qui est de 7,5 hors base. Des matchs pas forcément exceptionnels, qui dépassent pas les 20 minutes. Des rivalités mal construites, mal mises en avant, un pay-per-view qui est présenté comme the biggest event of the summer et qui est en fait un putain de pétard mouillé, moi je mets 3. C'est sévère, mec. Ouais, mais bon, là sévère. Il le mérite. Parce que non, il mérite pas 3, il mérite la moyenne ce pay-per-view. Non, franchement. En 3 sur 10, c'est sévère, hein. Ouais, mais SummerSlam, c'est mon pay-per-view favori et franchement, cette année, il était fade. Il n'y a pas eu un match qui m'a sorti de... À part peut-être Ziggler. Allez, Ziggler, Jericho. Peut-être remonter un peu la note. Allez, 4. Voilà. Mais franchement, oui, il mérite... Bah, les matchs sont assez bons dans l'ensemble. Les matchs sont pas dégueulasses non plus. Il y a que deux matchs de mauvais, quoi. Ils sont pas dégueulasses, mais je suis désolé, mais tu notes pas que les matchs. En bah plus, si, c'est surtout une note de... sur les combats. Il n'y a pas de rebondissement. Moi, je suis désolé. Mais bon, voilà, quoi. Il n'y a aucun match qui m'a fait sortir de mes gonds. Le Triple H Lesnar est pourri. Non, moi je dis 4, il mérite pas la moyenne ce SummerSlam hein, comparé non, aux autres. Non, en fait, là je viens de te comprendre hors base. Je crois que tu viens de noter le concert de Kevin Rudolph en fait. Non, en plus ouais, alors là Kevin Rudolph ça m'a On l'a oublié l'empêche. Ah ouais, mais ça m'a fini ça. Attends, et même la comme t'avais Darren qui avait mis ça en légendage d'une des photos de Marvin, il y avait même la guitare est simulée dans un show de catch. Mais oui, c'est un truc de fou, on a même pas entendu le solo et tout, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était tout pourri et voilà quoi, 4 franchement non. Les matchs en plus sont mal placés, moi je suis désolé, ce pay-per-view a été très mal placé. Et le résultat est très mauvais, 4 franchement, c'est le maximum que je peux mettre. Putain, hors base. Non, fait. Pas hors base, Sébastien. Je pense que c'est déjà fait de ma part. Sébastien. Bah, moi, j'ai trouvé l'action globalement plutôt sympathique niveau in-ring, mais il n'y a pas d'événement majeur quand même pour un pay-per-view comme SummerSlam, donc je vais mettre seulement 5,5. Alors, quant à moi, je suis plutôt de l'avis de Tifo. Tifo. Ouais, non, je suis plutôt de l'avis de Tifo. Quand même, les matchs sont pas dégueulasses non plus. Seul truc que je regrette, c'est les FUD, hein, comme toute l'année, quoi. On n'a pas de bonnes FUD, de toute façon. Et, moi, je suis, par contre, d'avis pour dire, pour être contre l'avis de Orbaz en disant que c'est peut-être pas, que le placement des matchs est mal choisi. Alors, si, quand même, parce que le Jericho Ziggler mérite d'être en honneur, ça a bien lancé le public. Ensuite, le main event, forcément, Lesnar Triple H, ça pouvait être que le main event de SummerSlam. Le match pour le WWE Championship aussi bien placé, c'est voilà quoi. Je vais quand même passer pour le gros rageux là. Ben oui, je passe pour le rageux et c'est pas faux. Ah non, mais franchement, c'est juste parce que SummerSlam, c'est mon pay-per-view favori. et que d'habitude il y a beaucoup mieux quoi. Entre le CM Punk Cena de l'année dernière, il y avait eu CM Punk contre Jeff Hardy et aussi entre les deux le 7 contre 7 Nexus contre la team WWE qui était peut-être pas un match exceptionnel mais qui au moins était bien EP et tout avec le retour de Bryan. Non, je suis désolé mais comparé aux autres SummerSlam, celui-là est très fade et très mauvais et franchement ça... Ça me va pas quoi, c'est pour ça que je mets une note aussi basse. C'est surtout pour ça en fait. Et bon bah voilà quoi. Au bout d'un moment, le produit WWE devient assez routinier. Il est pas terrible et en ce moment, alors que l'été d'habitude est un moment phare où la WWE se lance dans des fonds plutôt risqués ou lance des trucs, bah là on a assisté à un truc assez frileux. Et mal mis en avant et mal préparé. Voilà. Ah, c'est ton avis après. Allez, on va donc la note moyenne de ce pay-per-view donc de 5.8. Merci Orbus d'avoir pété la moyenne. Mais le mérite. Encore, ça va, c'est pas le 3, hein, c'est 4. Hein, ça va. Allez, c'est parti, on va pouvoir lancer un petit jingle et on va pouvoir passer à NXT, messieurs. C'est parti. Allez, premier point sur NXT version FCW, c'est ça? Alors, tiens, Orbas, toi qui suis un petit peu, c'est ça, il me semble? Ouais, bah j'ai suivi. Qui c'est qui regarde un petit peu NXT, là, d'ailleurs, avec nous? Moi, je regarde un petit peu aussi. Un petit peu? Tifo, tu as déjà vu un show ou pas? J'ai regardé une fois. D'accord. Le premier épisode, je suppose. Le deuxième, il me semble. Ah, bon, bah c'est parti. Alors, tiens, Tifo, quand t'as regardé l'épisode, est-ce que tu te rappelles que c'est qu'il y avait dans le show ou pas du tout? Bah, je sais qu'il y avait ton équipe, là, tout à l'heure. Ouais, The Ascension, ouais. Ouais, il y avait eu Jinder Mahal, je crois, contre... Il y avait eu un petit match de Seth Rollins en début de show. Et sinon, je me souviens plus trop, honnêtement. Je vais essayer de retrouver, attends. Ça va mettre un peu de temps. On va faire un petit peu de tour de table. Sébastien. Globalement, ce qui me saute aux yeux surtout dans ce NXT, c'est Seth Rollins. Pour moi, ce sera vraiment... C'est Rollins, pas Rolling. Seth Rollins. Non, c'est Rollins. Seth Rollins. Alors Rollins, c'est celle qui a écrit Harry Potter. Ok, donc je veux dire Seth, c'est plus simple. Donc pour moi, parce que Seth, il sera vraiment le futur de la WWE. Pour moi, c'est un CM Punk en plus jeune et... D'ailleurs, je vais pas vous spoiler, mais je crois que vous savez tous qu'est-ce qui va arriver. C'est le site de NXT qui s'est complètement planté, qui s'est auto-spoilé. Oui, Seth Rollins va être champion NXT cette semaine. Voilà. Et donc, c'est une bonne preuve de confiance de la part des officiels qui, je pense, voient aussi un bel avenir pour ce garçon. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, quand même, il y a quand même quelque chose qui me tracasse là-dedans, c'est qu'on n'a toujours pas vu Dean Ambrose. Alors que bon, Dean Ambrose faisait avant que ça commence des dark matchs de show normal, quoi, donc de Raw, de SmackDown et même de Pay-Per-View. C'est assez bizarre de pas toujours le voir, quoi. Mais il me semble que Dean Ambrose est un peu plus récent à la FCW que Rollins. C'est-à-dire que lui, il est arrivé il y a quand même un an, je pense, à Rollins. Dean Ambrose, je crois que c'est un peu plus récent et risque de le lancer comme une menace pour Seth Rollins. Parce que je pense qu'il va avoir un règne assez fort en tant que champion NXT. Et bon, après, ouais, on peut se dire que cette nouvelle formule de NXT, même si elle présente des mecs qui sont forcément les prochaines stars, ouais, et tout, déjà c'est beaucoup mieux que le NXT de base. C'est-à-dire que le faire sous forme de fédération. Alors moi, je suis quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui me tracasse. Il y avait un petit moment, on avait déjà fait un point sur NXT Redemption. J'avais demandé à tous si NXT pouvait devenir un show à part entière et avec un roster. Enfin, est-ce que la FCW pouvait devenir NXT? Ben finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc je suis assez content. Ouais, Gusti, bravo. Non mais voilà quoi, c'est pas Brian pour Bray Wyatt. Bray Wyatt, en fait, il s'est blessé cette semaine. Ah oui. Ouais, c'est dommage. Il s'est blessé, donc il sera absent. Je vais, mal de temps. Et pourtant, c'est un des personnages assez intéressants du NXT. Moi, ce qui m'attriste un peu, c'est de voir Drew McIntyre là-dedans. Bon, après... Et il perd, en plus. Hein? En plus, il perd là-dedans. Ben, en fait, il perd, mais bon, en fait, Drew McIntyre, on l'a tellement oublié que le fait de le passer pour un nouveau, pour un plus jeune, c'est limite normal. Donc, voilà, quoi. Après, c'est peut-être un bon moyen de le relancer si, au bout d'un moment, ben, il devient champion NXT. Ça ferait un peu un peu bizarre, mais bon, c'est peut-être un bon moyen de relancer sa carrière. Je sais pas trop quoi en penser. Mais sinon, ben, voilà, ça permet de voir des bons talents. Après, on regrettera la durée des matchs, le fait qu'il y a pas mal de Raw Rebound, ou bien de promos pour, qui bougent du temps. Et non, après, là, c'est encore le début, donc. C'est un peu en dehors, hein. C'est encore le début, donc je trouve ça assez normal. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est ceux qui m'ont vraiment impressionné, enfin citer ceux qui m'ont vraiment impressionné. Donc, bien évidemment, il y a Seth Rollins, il y a Bo Dallas que j'aime bien aussi, et surtout, putain, cette équipe, quoi, The Ascension, qui est la meilleure équipe de la WWE, tout simplement, quoi. Moi aussi, juste pour dire, c'est un talent que j'adore, c'est le fils de Ricky Steamboat. Ricky Steamboat. Très très bon. J'ai oublié Ricky Steamboat aussi. Très très bon, j'ai adoré. Et on nous fout Jinder Mahal là-dedans et virez-le-moi ce mec là, putain. Bah, le problème, c'est que les premiers main event, on aurait dit un peu encore NXT. C'était Tyson Kidd contre Michael McGillicuddy le tout premier main event. Ouais, voilà quoi, on répétait un peu les mêmes erreurs et là, on est avec ce tournoi pour le. Le Gold Rush Tournament pour devenir champion NXT. On n'a pas eu de match la semaine dernière. On a eu un segment final entre Seth Rollins et Jinder Mahal. C'était plutôt intéressant de voir ça, je trouve. Par contre, Mahal au micro, c'est mal, quoi. C'est reste du mal. C'est pire que sur le ring. Mahal, qui est quand même le pire lutteur que j'ai jamais vu de ma vie. C'est Kinder Mahal. Tu l'ouvres, et ben, t'as aucune surprise quand même. Ah oui, donc on a eu un segment. Donc c'est plutôt bien, qu'on commence à faire ça. Les commentateurs sont Byron Saxton, William Regal et Jim Ross. On retrouve JR là-dedans, c'est plutôt cool. Et voilà, moi j'aime bien. C'est donc les trois mecs que je vous ai dit, quoi. Il y a vraiment trois gros talents: The Ascension, Bo Dallas et donc Seth Rollins et Richie Simot. Voilà. Et en fait, c'est pas mal de voir ça, quoi. Parce que bon, le concept d'NXT s'est soufflé au fur et à mesure des années, pour finir avec un Redemption totalement pourri. Et là, on relance. Avec des jeunes et tout, et franchement, c'est des talents de main, quoi. Ça permet de les exposer une première fois. Le seul véritable problème là-dedans, c'est qu'ils sont dans une, toujours en Floride, toujours dans la même salle, et cette salle est un peu fade. Ils auraient peut-être dû les faire sortir de là-dedans et les amener avec les gros, quoi, et faire la tournée comme ils font, avec garder la même arène que l'ancien NXT. Que là, c'est dommage qu'on se retrouve dans une arène comme celle-ci, quoi, très petite et avec un public. Ouais, mais ça fait assez chaud, indépendant, je trouve. Voilà. Ouais, du coup, oui. C'est ça que j'aime bien, moi. Non, ça fait vraiment. Un mal premier. Ça fait pas tout de suite dans le grand bain. Ça fait prémisse vraiment des jeunes qu'on découvre et ça fait pas une émission tout de suite typée WWE. C'est vraiment une émission qui a son propre cachet. Bon, après, le public est des fois un peu endormi. Mais bon, ouais, ils font NXT à la FCTV, hein. Du coup, quoi, Kevin, tu poses la question sur le chat. Donc, ouais, enfin, voilà, quoi, c'est pas... Moi, j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. Ouais, moi aussi, franchement, ça donne un petit cachet à l'émission. Non, c'est vraiment une excellente idée de base, et... Moi, j'ai une grosse interrogation aussi, c'est, comme vous le savez, il y a Night of Champion qui arrive. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comme soi-disant tous les titres seront défendus, j'aimerais bien savoir si le titre NXT sera défendu non. À Night of Champions. Non, je pense pas. Ça reste complètement à part. En pré-show, ce serait pas con. En pré-show, ouais, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Je pense vraiment pas que la WWE se soit posée la question, honnêtement. Parce que en Dark Match, ça en a fait beaucoup, donc pourquoi pas faire un pré-show, hein, franchement. Ah oui, c'est sûr, mais... Ça te permettrait de donner une exposition à l'émission et ce serait pas con, c'est qu'un pré-show en même temps. Après, bah, honnêtement, moi, ce serait ça. Moi, le pré-show m'intéresserait largement plus que, par exemple, Santino Cesaro, honnêtement. Ouais, bah, pareil, forcément. Si tu par contre, si mecs, c'est ouais, tu dis, c'est ça. Par contre, si c'est Rollins, Santino, laissez tomber, je regarde pour. Ah, moi non plus. Mais bon, c'est faux, une affiche. Apparemment, j'ai lu quelques spoilers, ça tomberait plutôt vers une rivalité contre qui? Merde. Exprime-toi, j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai un trou. Jinderman, Richie Simbot, Non. C'est plutôt contre McGillicuddy. Je pense, et peut-être Cassius Ohno, mais je suis pas sûr. Ah oui, il y a Cassius Ohno que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, effectivement. Ouais, alors, je vais vous dire quand même quelque chose. On a eu un Dark Main Event à NXT il y a pas très longtemps. Alors, ouvrez les oreilles, parce que c'est quand même scandale de trouver ça en Dark Main Event. Alors, Cassius Ohno, donc anciennement Cicero et Antonio Cesaro, qui est anciennement Claudio Castagnoli, ont affronté CM Punk et Seth Rollins. Ah ouais. En belle affiche. Made in Indie. Scandale. C'est un indie match, quoi. Voilà, c'est ça. Le public a dû s'éclater, quand même. Ah, le public, il a dû être content, là. Ah, bah, ouais. Et puis après, bon, bah, c'est un petit clin d'œil, mais ce serait bien de le faire dans le show. Bah, après, peut-être qu'ils ont pas voulu mettre CM Punk en avant dans le show, quoi. C'est ça, ouais. Mais putain, que ce match-là devait être bon. Mais on va dire, pour mettre un peu de contraste avec la vie générale, c'est que les shows pour l'instant sont pas forcément non plus très extraordinaires. Alors celui d'il y a 15 jours, c'est le mieux fait. J'ai en effet la revue sur votre sketch et j'ai eu la chance d'être tombé sur le meilleur NXT qui a été fait, vraiment bien mis en avant, avec peut-être un début de sud entre The Uso et l'Ascension. Et ça pourrait être vraiment cool pour la suite, si on commence à lancer des feuds, c'est vraiment vraiment bien. Ouais, bah, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, chez les Divas, donc on a la fille de Vicky Guerrero, j'ai oublié son nom. Merde. Raquel Diaz, non? Raquel Diaz, ah. Paige qui est... Dommage qu'il n'y a pas Verpa, qu'il est parti tout à l'heure. Parce que Paige, alors c'est Brittany Knight, c'est une jeune lutteuse d'à peine 20 ans. Je crois qu'elle était à la Noah ou à la Smash, mais j'ai un doute là-dessus. Et c'est une très très bonne lutteuse, peut-être même la meilleure diva de la WWE à l'heure actuelle sur un ring. Surnommée d'ailleurs par Darren, je lui fais un petit coucou, Brittany Fat Knight. Et ça vous donne un peu son avis sur la lutteuse, hein, qui, et en plus, qui elle est très à son. Elle est vraiment agréable à regarder parce qu'elle est très jolie. Peut-être un petit peu fade à NXT, vous verrez si vous regardez le show, un de ces quatre. Et voilà. Donc messieurs, je pense que c'est bon, on a fini le podcast. Moi je pense aussi. Allez, c'est parti, on va passer au partenaire particulier. Cherche partenaire particulier. Pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti, on va remercier Vox Catch, du Catch, Wrestles.fr. Et puis c'est tout, je crois. Hein. Alors la Wrestling Evolution League, on a également donc Skype, Twitter, Facebook. Alors la page Facebook, n'oubliez pas, c'est Wrestles Radio officiel. Sur Twitter, on est Wrestles Radio tout court. Faut qu'on ait plus de followers parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de membres sur la page, mais pas beaucoup de followers. Et FN Lutte, merci Seb. Et je crois qu'on est diffusé sur Ultimate Catch, mais je suis pas très sûr ça par contre. Donc je leur fais un petit coucou si jamais l'épisode sort sur votre forum. Ouais. Voilà. Voilà, voilà. Et bien évidemment Central Pop Rock avec Kevin. Et moi je fais un gros coucou à Brucey parce que on espère qu'il va revenir très bientôt. Oui, Brucey, alors. Brucey devrait revenir à temps plein dès jeudi. Donc ouais. Bah ça va être bien. Voilà. Et bon, allez, on va passer à notre Twitter, donc Orbaz, c'est Real Orbaz, c'est ça? Ouais. Il y a 84 followers. Oh, j'en ai 63. Non, je t'emmerde. Tifo est également El Tifo. Ouais, et 118 abonnés, et allez sur ma page ask.fm/El Tifo. Et posez-lui, ah, Orbaz, t'es dégoûté. Et posez-lui des questions comme Beat ou God Miché. Ouais. Ou Jindormal ou Ryback. Et moi je suis aussi sur ask.fm /realorbaz, hein. C'est alors, tout ça. Moi je ne suis pas sur ask, mais posez-moi des questions sur Twitter, ça sera mieux. Ouais, mais franchement Gus il va vous répondre n'importe quoi et ça sert à rien. Hein. Donc vaut mieux aller sur le mien, même pas sur celui qu'il faut, parce que Et Sébastien, donc son Twitter c'est RicaLewis67 et quant à Kevin, c'est Kevin Coloc tout attaché. Voilà. Et donc, et ça sera. Avec Kevin, faites une coloc, mais que à Sion. Au bord de l'été. Voilà, alors avec cette vague que vient de nous faire Orbez, je l'ai viré, et il ne reviendra pas. C'est la sanction. Voilà, c'est la sanction de Orbez. Je suis désolé, Orbez. Hello. Hello. Allez, c'est parti, on va pouvoir se quitter. Allez. Ouais. Gros bisous tout et le monde. Gros coucou à Marc Chavet, et à Sylvain Bernalek et à Norbert Fleury. Ouais. Et Julien. Et à Julien Sirlang, effectivement. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. À plus.